Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Los niños del parque. Culture. musique existe dès le commencement des temps. Ses origines se confondent avec celles de l'homme. Il s'agit d'un art primitif dont le rythme est le premier élément.

Thank you. Don't suffer.